Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Pour lundi prochain, le 14 juillet, Paris Match lance un grand défi aux Français. Créer tous ensemble le plus grand album de photos jamais réalisé pour évoquer une même journée. Cet événement s'intitule « Ma France en photo » et il a visiblement inspiré Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous avouerez que l'idée est tout à fait stimulante. Demander à tout le pays de se mobiliser pour immortaliser cette journée de fête nationale. Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Match, est avec nous pour en parler et je vais en profiter pour évoquer avec lui quelques-unes des grandes photos, des grands clichés du siècle écoulé. Et vous allez aussi, Franck, nous raconter la vie d'un grand photographe. Robert Capa, l'un des photographes de guerre les plus connus de l'histoire. Et puis, bien sûr, à la fin de l'émission, comme chaque jour, je répondrai à la question d'un auditeur. Et c'est une auditrice aujourd'hui, oui. Franck, qui voudrait que vous reveniez sur les origines du bikini. Ah ben voilà qui promet. On peut déjà préparer la chanson de Dalida. L'instantané est à l'honneur aujourd'hui, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au XXe siècle, la photographie de presse a subi une véritable révolution. Fini les clichés posés, voire mis en scène, les photos très ou même trop léchées, cadrées, scénographiées. Priorité au document, à l'action, à la surprise, à l'instant dérobé. À cette révolution photographique, un nom reste attaché, celui de Robert Capa, qui est en quelque sorte le photographe qui va savoir le premier, l'un des premiers, se mettre en danger pour aller chercher l'événement et pour créer l'émotion. C'est le début de la photo émotion. Capa ne se vit pas comme un artiste. Lui est un homme qui prend parti. Il est en quelque sorte un témoin et même en l'occurrence un témoin engagé. On ne prend plus la pose devant son objectif. On est, cisaillé. En tout cas, photographié, saisi en pleine action. Son objectif, nous dit Richard Velland, fut toute sa vie durant de rendre compte du très large éventail de l'expérience humaine, condamner les horreurs de la guerre, rendre hommage au courage, montrer les joies de la victoire et de la paix, observer les péripéties de la vie quotidienne. Vous avez bien compris que c'est une carrière qui évidemment est directement attachée à tous les conflits de la planète. C'est une carrière de correspondant, de photographe de guerre. Capa aura couvert, on va le voir bien sûr, la guerre d'Espagne à partir de 1936. Ce conflit qu'on oublie généralement en Occident, qui a été majeur et décisif à bien des égards, ce conflit entre la Chine et le Japon en 1938, le débarquement bien entendu puisqu'il va faire partie de la première vague là de ceux qui débarquent à Omaha Beach en 1944 et puis toute la libération de Paris d'abord et de la France, la naissance de l'État d'Israël qui va lui inspirer quelques-uns des clichés les plus fameux bien entendu et les premiers pas de ce nouvel État d'Israël sur la scène internationale et puis bien sûr la guerre d'Indochine après la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu en mai 54. Ça ce sera son dernier reportage puisque sans trop vous révéler la fin, sans trop déflorer l'histoire, je peux vous dire que c'est là qu'il va mourir, évidemment. Alors, qui est-il, ce Robert Capa? Il porte un nom, évidemment, ça fait penser un peu à Frank Capra. Vous savez, d'ailleurs, on est dans la même époque et ça n'est pas un hasard, vous allez voir. C'est pas son vrai nom. Il s'appelait André Erne Friedman, c'est son vrai nom. Il était né dans une famille assez, assez aisée, une famille juive hongroise. Il est né en octobre 1913 à Budapest. Il est le deuxième entre Laszlo, qui est né en 1911, lui donc né en 13, et puis il a un frère qui s'appelle Cornel. Cornel Capa, on en parle beaucoup, nous aurons l'occasion dans le cours de cette émission d'y revenir, bien entendu. D'ailleurs, c'est Cornel Capa qui, dans son ouvrage « Enfant de la guerre, enfant de la paix », raconte que son frère est né avec un doigt supplémentaire à une main, et la nourrice a vu là un signe de chance, un signe de destin un peu extraordinaire. Elle ne pensait pas si bien dire, cette nourrice. En fait, elle aurait sans doute été surprise par le trajet extraordinaire qu'a adopté Robert Capa. Alors les parents, le père tient un magasin de vêtements à Budapest. C'est un enfant très éveillé, le petit André Herne. Il est vraiment très intéressé par l'actualité, par la politique, par la littérature. Et très tôt, il veut devenir chroniqueur de presse. Il a le journalisme dans le sang d'une certaine manière. Faut pas oublier dans quel contexte on se trouve néanmoins. On est dans la Hongrie de l'amiral Horthy, avec notamment des lois clairement antisémites qui limitent l'accès des juifs à l'université. Friedman a très peu de chances d'y aller. Et d'ailleurs, comme il est déjà très engagé et qu'il a déjà une forte sympathie pour le communisme, pour avoir rencontré un agent du Parti communiste en 1931, il est arrêté. Il ne sera libéré que grâce à l'intervention de la femme du chef de la police, qui est une habituée du magasin de ses parents. Mais enfin, voyez le... Bon, déjà, un gamin qui sent un peu le soufre, ce qui fait qu'il va très vite devoir quitter la Hongrie. Il va s'installer en Allemagne. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée quand on est juif d'aller s'installer en Allemagne en 1931. Enfin bon, en l'occurrence, il arrive, il a 17 ans. On peut déjà dire qu'il est un exilé politique. On pourrait presque dire, en tordant légèrement la réalité, qu'il est un exilé politique de naissance, d'une certaine manière. Il arrive donc à Berlin pour faire des études de journalisme à l'école supérieure des sciences politiques. Seulement, on est là, en 1931, on est là dans l'époque, vous savez, on est au lendemain de la grande crise de 1929. Les gens font de mauvaises affaires, ses parents aussi vont, d'ailleurs son père va faire faillite. Faut dire que son père était quand même quelqu'un d'un petit peu léger parfois et qu'il avait tendance à griller pas mal d'argent sur les tables de jeu. En attendant, le jeune homme est obligé d'abandonner le journalisme. Il se lance dans la photographie. C'est à ce moment-là qu'il achète son premier appareil et son tout premier reportage, si je puis dire. Il va le faire au Danemark, à Copenhague, en 1932. Il photographie le célèbre dirigeant révolutionnaire russe Trotsky. Trotsky qui, à l'époque, commence son fameux exil, vous savez, et qui va donner une conférence à des étudiants. Eh bien, il est là, celui qu'on va appeler pour plus de facilité déjà Robert Capa, il est là au premier rang à photographier Trotsky. Ça lui va bien, lui qui est déjà cet exilé, cet engagé, ce gauchiste, j'ai envie de dire. Vous imaginez qu'avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en janvier 1933, il ne va pas s'éterniser à Berlin. On le retrouve en Autriche, à Vienne. Oh, on ne peut pas dire que le chancelier Dollfuss lui convienne tellement mieux. Et dès septembre 33, il est à Paris. Septembre 33, je vous ai dit qu'il était né en octobre 13, donc il a 20 ans, tout simplement. Et il va arriver dans cette ville de Paris en 33. Vous voyez ce que c'est que le Paris de 33, le Paris des années folles. Hein. C'est vraiment d'ailleurs Paris, la capitale de la photographie dès cette époque, avec de grands noms sur lesquels on va avoir l'occasion de revenir, bien entendu. Alors, il se retrouve là dans une communauté de réfugiés d'Europe de l'Est. Il y a des photographes connus là-dedans, notamment un réfugié juif polonais qui s'appelle Chim, qui va faire des clichés restés fameux. Et puis, un certain Henri Cartier Bresson. À ce moment-là, notre ami se fait appeler André Friedman. On le retrouve beaucoup dans toutes les ligues antifascistes. Vous savez, il est très proche du Parti communiste. Bah, on va dire que son parcours l'amenait à ça. Et en 1934, il rencontre Gerda Tarot, une étudiante allemande. Ils vont vivre une véritable passion. Ça ferait un film formidable, hein, tout ça. Vous imaginez, on est sur fond de ce Paris des années folles, dans ces milieux antifascistes, dans ce bouillonnement de culture. Et puis, il y a cet amour entre ces jeunes gens, entre Gerda et celui qui se fait maintenant appeler André Friedman. Une grande passion qui ne finira jamais. Souvenir de Chine, signé Jean-Michel Jarre. La photo est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les pas de Robert Capa. Alors, c'est la bohème hein, quand même chez les Capa, vous imaginez. Enfin, ils ne s'appellent pas encore comme ça. Nous étions des photographes de rue, racontera une amie du photographe, Atacando. C'était un métier que les immigrés pouvaient exercer sans bien parler la langue. On allait prendre des photos à la sortie des mariages, puis on les développait, on les tirait très vite pour ensuite essayer de les vendre aux mariés. Ou bien on photographiait les enfants dans les squares et les quartiers bourgeois pour ensuite aller proposer les clichés aux parents le soir. Voilà comment on vit. Il faut vous dire qu'André Friedman ne parle pas bien le français du tout. Et puis alors il n'a pas de chance parce que à l'époque, les crédits photographiques d'abord sont plus ou moins respectés par les journaux, il faut bien le dire. Et surtout, on ne met que le nom le patronyme des photographes. Or, il y a un autre Friedman à Paris, infiniment plus connu que lui, c'est Georges Friedman. Et donc, quand on voit une photo d'André Friedman, qui est simplement légendé Friedman, eh ben, on pense que c'est une photo de Georges Friedman. Ça ne doit pas être tous les jours très, très agréable, évidemment. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va s'inventer ce pseudonyme. Alors, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Je vous parlais du réalisateur américain Frank Capra, qui était très, très à la mode à l'époque. Il est très possible que ça ait donné des idées. D'où vient ce prénom de Robert, Robert Capa, probablement de Robert Taylor aussi, qui est l'acteur américain en vogue du moment. Du reste, il a compris, avec beaucoup d'intelligence, André Friedman, mais il est d'une intelligence phénoménale, il a compris qu'il se vendrait mieux, en quelque sorte, et qu'il serait mieux accepté s'il passait pour une sorte d'américain, vous voyez, donc il va passer pour le dandy américain. Voilà un extrait d'une interview qu'il donne à une radio américaine en 47 et il dit, lui-même, « J'ai inventé une histoire que Robert Capa était un photographe américain venu en Europe. » Ça se vend mieux que la Hongrie et Budapest, évidemment. « C'était une époque où l'actualité était très chargée en France, avec le Front populaire, les grèves, etc. Je me suis juste installé là avec mon petit Leica, donc ces petits, vous savez, ces appareils qui sont considérés comme les meilleurs appareils photo du monde. J'ai pris des photos et j'ai écrit dessus Robert Capa. On les a vendues pour le double du prix habituel. J'étais le technicien qui tirait ces photos et puis j'ai découvert et depuis ce temps je suis resté Robert Capa parce que finalement, dit-il, c'était assez confortable. Alors bien sûr, il va faire des photos du Front populaire etc. Mais bientôt, je dirais même très vite, il va partir pour l'Espagne où a lieu cette terrible guerre civile, bien entendu, de 36 à 39. Il va faire là des clichés qui sont restés célèbres, bien entendu. Capa, on peut le dire, se bat avec l'objectif de l'appareil comme d'autres se battent avec des armes, si vous voulez. Il prend parti. Il n'est pas du tout neutre hein, dans les reportages qu'il fait. Il y a une photo qui va faire le tour du monde, on le voit, on voit un soldat républicain en train de s'effondrer après avoir été touché par une balle, alors qu'il est sur le champ de bataille même. C'est la première fois que la presse osait publier ce type de cliché, bien entendu. Ça, quand je vous disais qu'on est en train de vivre une révolution de la photographie, c'est vraiment ça. Capa va également montrer des villes en ruine, des familles de réfugiés complètement désemparées au bord des routes, mais aussi des choses peut-être plus banales, l'atmosphère qu'il saisit comme ça, deux hommes en train de lire le journal après la bataille de Teruel à Barcelone, comme pour montrer que, malgré la guerre et malgré l'horreur, mais le quotidien est là et continue néanmoins. Il visite également les camps de concentration des exilés républicains qui arrivent en France, notamment ceux d'Argelès-sur-Mer, ceux du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. Il fait des photos qui sont quasiment des reportages. Vous savez, quand on dit une bonne photo vaut mieux qu'un long discours, et ça, évidemment, ça n'est pas à la rédaction de Paris Match qu'on me démentira, eh bien, lui, il a compris ça. Il a compris qu'il y a des photos qui peuvent en dire très long d'une certaine manière. Il va essayer, en quelque sorte, de créer, à travers ces photos, à travers ces images inanimées, l'équivalent de ce que pourrait être un petit film d'une certaine manière. Ça raconte toute une histoire, les grands clichés de Robert Capa. Alors, il devient de plus en plus connu, bien entendu. En 37, il est carrément directeur photo du quotidien Ce Soir, qui a été lancé par le Parti communiste pour soutenir les républicains espagnols. Donc, vous voyez toujours cette idée d'engagement. Et pour le directeur artistique du magazine britannique Picture Post, il est, dès cette époque, c'est déclaré en décembre 1938, le plus grand photographe de guerre du monde. Autant vous dire que désormais, sa réputation va le précéder partout. Alors, il est rentré brièvement à Paris à l'été 37, et voilà qu'il apprend, ça c'est terrible, que Gerda Taro, sa compagne, son amour, se fait écraser par un char accidentellement, alors qu'elle est en train de couvrir la bataille de Brunete à l'ouest de Madrid. C'est d'ailleurs la première femme photographe qui va mourir en opération. Et Capa, on peut dire, à partir de ce moment-là, va sentir une espèce de fêlure. Il y a comme ça des deuils qui sont impossibles à faire. Et lui ne se remettra jamais véritablement de ce décès. Il va partir très vite pour l'Extrême-Orient, pour couvrir ce conflit entre la Chine et le Japon. C'est le magazine américain Life qui a été créé 2 ans plus tôt et qui l'envoie. Vous savez que le slogan du magazine Life, c'est l'appareil photo guidé par l'esprit. On peut pas mieux définir d'une certaine manière ce qui est devenu l'art de Capa. Et comme en Espagne, il ne reste pas là à faire simplement des photos témoins ou neutres. Il prend parti bien sûr pour la Chine, c'est-à-dire pour ce qu'il estime être le camp des opprimés, contre le camp des agresseurs, celui du Japon. Il revient à Paris brièvement en 1939. Alors à l'époque, on est en train de préparer la guerre à Paris, hein, bien entendu. Donc vous savez qu'il y a toutes ces mesures qui sont prises contre les étrangers, surtout s'ils sont sympathisants communistes. Évidemment, on est en train de refaire le ménage, si je puis dire, comme on l'avait fait en 1914 à la veille de la Première Guerre mondiale. Au printemps 39, il écrit une lettre à sa mère et à son frère qui, eux, sont déjà à New York. Il leur dit « L'affaire espagnole a eu des conséquences désastreuses pour nous tous et en ce moment, nous errons comme des chiens après la pluie en essayant de sauver nos amis. » Vous voyez quand même l'ambiance, une ambiance qui va le contraindre à partir d'ailleurs. Il est quand même le photographe de Match et de Paris Soir pour le Tour de France 1939. Et puis, dès le mois d'octobre, le voilà parti aux États-Unis grâce à un visa chilien obtenu en prétextant qu'il effectuait un reportage au Chili pour Life. Il va photographier pour Life un certain nombre d'épisodes de la Seconde Guerre mondiale, le front d'Afrique du Nord en 1942 bien entendu, le débarquement des troupes alliées en Sicile en 43 et puis l'année suivante, le débarquement avec un grand D si je puis dire, celui des côtes de Normandie dont nous parlions il y a quelques jours et dont il va se faire un des principaux témoins. Instant sur Europe 1, la suite du parcours de Robert Capa. Franck Ferrand vous fait découvrir ou redécouvrir la grande aventure de la photo jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous pouvez réagir en envoyant vos messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire, sur Twitter avec le hashtag ACDH via le compte de Franck Ferrand et bien sûr sur Europe 1.fr. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck, vous nous emmenez sur les pas du photographe Robert Capa. Et on est presque toujours dans la commémoration des 70 ans du débarquement, puisqu'il va être là, lui, le 6 juin 44, sur la fameuse plage, la sanglante plage d'Omaha Beach, où il se joint à la compagnie E, du 116e régiment d'infanterie américain. Et pendant plus de 6 heures, sous les obus, à travers les balles, il va réaliser plusieurs photos avec 3 appareils. Voilà ce qu'il écrit dans ses propres mémoires. J'ai fermé mon appareil et je sens le froid de l'eau dans mon pantalon. J'hésite à m'éloigner de mon poteau métallique car à chaque tentative, les balles m'y ramènent. À 50 mètres devant moi, l'un de nos chars amphibies à moitié calciné dépasse de l'eau. Ce sera mon prochain refuge. Je me glisse entre les corps qui flottent. J'y suis. Encore quelques photos. Je prends mon courage à deux mains pour le dernier assaut jusqu'à la plage. À plat ventre, la pente de la plage nous protège des balles, des mitrailleuses et des fusils. Mais la marée nous pousse vers les barbelés, là où les tireurs s'en donnent à cœur joie. Je sors mon deuxième contact pour prendre des photos sans lever la tête. Il va faire partie des 10%, je dis bien seulement des 10% des personnes débarquées sur cette plage d'Omaha Beach pendant ces premières heures de l'assaut, qui n'auront été ni tués ni blessés. C'est un véritable miraculé. Il a fait une bonne centaine de photos. Il y en a 11. Qui ont été gardées parce qu'elles sont moins floues que les autres. Encore une fois, vous imaginez dans quelles conditions tout ça est pris. Ça suffirait ça pour définitivement faire entrer Robert Capa dans la légende, bien entendu. Puis alors il va entrer après, vous imaginez, le premier photographe à entrer dans la capitale française libérée avec la 2e division, la 2e DB du général Leclerc. Enfin, tout ça a l'air d'être presque trop beau pour être vrai, mais... Comme si ça ne suffisait pas, il se trouve qu'à Paris, en 45, à l'hôtel Ritz, figurez-vous, il va faire la connaissance de la comédienne Ingrid Bergman. Alors là, on entre, cette fois, c'est la grande romance, vous imaginez, grand amour entre Robert Capa, Ingrid Bergman, ça s'invente pas. Il va la suivre à Hollywood, bien entendu, il va faire des photos de plateau, il devient l'ami du grand Alfred Hitchcock, il fait les photos de tournage du film Les Enchaînés, où Ingrid joue avec Cary Grant, bien entendu. Et un tout petit peu plus tard, en 54, si je ne m'abuse, j'espère ne pas me tromper là, ou 56, 54 a priori, quand Hitchcock va tourner Fenêtre sur cour, il va bien sûr s'inspirer directement de Capa pour créer son personnage, incarné à l'écran par James Stewart, ce personnage immobilisé et qui, avec les objectifs de ses photos quasiment comme des armes, va découvrir ce qui est en train de se passer dans l'immeuble d'en face. Alors, il mène la grande vie maintenant, Robert Capa, bien entendu, il fréquente la jet set, on le voit aux courses dans l'après-midi, dans le soir aux boîtes de nuit et aux tables de poker jusque très, très tôt le matin, si je puis dire. Il va immortaliser Picasso et sa famille à Valoris. Il va faire les célèbres photos de la reine Juliana des Pays-Bas, etc. Il crée l'agence Magnum en 47 et le but, c'est de permettre aux photographes de garder l'intégralité des droits sur leurs photos. Ça va faire complètement évoluer la profession de journaliste photographe, ça, bien entendu. En 47, avec John Steinbeck, hein, l'auteur des Raisins de la colère, on le retrouve en Union soviétique où il fait un reportage pour The Herald Tribune et de ce voyage va naître un livre qui s'appelle A Russian Journal. Et puis il couvre, je vous le disais, la création, la naissance en tout cas de l'État d'Israël en 1948. Il est partout où il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez un peu l'espèce de mythe vivant qu'est ce bonhomme. Il va couvrir ensuite la guerre d'Indochine, bien entendu. Il veut reprendre son vrai travail. C'est ainsi qu'il le dit dans une lettre de 1953. Il est en 54 donc en Indochine au moment où la France est en train de perdre la guerre contre le Viet Minh. Il arrive à Hanoï, donc la capitale au nord, hein, au Tonkin, le 9 mai 1954. Et c'est-à-dire juste au moment où l'armée française vient de subir la défaite, la déroute de la cuvette de Dien Bien Phu, bien entendu. Le Viet Minh qui combat les Français à l'époque autorise les troupes à évacuer 750 blessés sur les milliers de soldats retenus prisonniers. Et là, Capa va les photographier. Le jeudi 25 mai 1954, il est dans une poche, une zone au Tonkin, dans le nord de l'actuel Vietnam. Il accompagne un convoi français dont la mission est d'évacuer deux avant-postes qui ne sont pas défendables dans le delta du fleuve Rouge. Le convoi s'arrête. Capa s'avance dans un champ en bordure d'une route pour faire une photo. Il en a déjà fait d'autres depuis le début de la journée. Et là, il pose le pied sur une mine antipersonnelle. Il sera tué sur le coup par l'explosion. Capa laisse un héritage extraordinaire. Certes, il laisse 70 000 photos et l'agence Magnum qui existe toujours. Il y a maintenant un prix Robert Capa qui, depuis 1955, est décerné. Mais il laisse surtout un héritage plus immatériel et plus extraordinaire. C'est une nouvelle façon de faire des photographies. Alors, on a beaucoup parlé il y a quelques années, c'était en 2007-2008, on a beaucoup parlé de la découverte de cette fameuse valise mexicaine. Tous ces milliers de clichés de la guerre d'Espagne qui avaient été sauvés, on peut dire, au moment de l'exil de Capa de France en Amérique en 1939. On a redécouvert tout frais, en quelque sorte, ces témoignages qui nous surgissaient, qui nous sautaient littéralement à la figure. Et j'ai envie de dire que tout Capa est là. Il est dans ce surgissement de l'instant. Depuis Capa et depuis ceux qui l'ont accompagné dans cette extraordinaire épopée, on ne regarde plus tout à fait l'actualité du même œil. Bonjour Olivier Royan, rêver mieux que d'avoir carrément le directeur de la rédaction de Paris Match pour évoquer ces photographes non seulement de guerre mais d'actualité. Et avec vous, nous allons revivre le siècle passé à travers quelques très grandes photos. Olivier Royan, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo finalement, de votre point de vue en tout cas? De mon point de vue, on va reprendre la définition de Robert Capa. C'est-à-dire, il avait l'habitude de dire, si la photo n'est pas bonne, c'est qu'il n'est pas assez près. Capa, c'est un homme qui photographie la guerre aux 50 mm, tout près de l'action. Et en plus de cette personnalité chatoyante, les photographes, à la manière des acteurs qui évoquent Bogart ou Gary Cooper, il va inspirer des générations entières de photojournalistes qui vont vouloir aller au cœur de l'action comme lui. Alors, il a le trench coat, il a le cigare, il a cette décontraction américaine. Et donc, il fait... Ce qui est inouï, c'est qu'il est à Berlin au moment où Hitler prend le pouvoir. Il est à Paris au moment du Front populaire. Il est à Madrid au moment de la guerre. Enfin, c'est incroyable. On a l'impression qu'il est tout le temps là où ça se passe. On va voir ensemble que le tout au long du XXe siècle, la force est d'arriver à l'événement, au bon moment, y arriver le premier. Et il y a peu d'avions, il faut pouvoir sauter dans le premier avion, avoir les moyens de le faire, avoir un gros journal comme Life derrière soi, ou Match, ou Time Magazine, et pouvoir arriver à prendre la photo. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Tout le monde fait des photos, on est là, on est témoin d'une action. À l'époque, il faut le regard, il faut avoir ces aventuriers de la photographie pour pouvoir témoigner. Alors Capa, évidemment, s'il n'avait pas été l'amant d'Ingrid Bergman, s'il n'avait pas créé l'agence Magnum, si, etc., etc., et s'il n'avait pas pris tout simplement ce nom américain qui lui a donné une aura incroyable, serait peut-être un peu moins passé à la postérité. Il y a d'autres très grands photographes de guerre et d'actualité, hein, il faut le dire. On a toujours tendance à faire référence à Robert Capa, mais il n'est pas le seul, bien entendu. Sûr, bien sûr. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le débarquement. Sa vie est absolument parfois absurde. C'est-à-dire que sur ces 100 photos qu'il arrive à faire à Omaha, il y en a 90 qui vont être panées au développement. C'est-à-dire qu'il en reste 10, tout ça pour ça. 10 photos qui sont parce que les autres ont été détruites par le pauvre laborantin qui a essayé de les développer. Il y a eu un incident pendant le développement. Ouais, c'est sinistre cette anecdote. Alors, il faut que nous disions tout de suite un mot de cette extraordinaire initiative qu'a eu Paris Match à l'occasion de ce 14 juillet. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Ben c'est formidable. C'est le pays qui a inventé la photographie. En 1826, il y a cet inventeur de génie qui s'appelle Nicéphore Niépce. De sa fenêtre près dans un petit village de Chalon-sur-Saône, il photographie un bout de sa maison. L'exposition dure 8 heures. Il reprend ça sur une plaque de gélatine qui réverbère la lumière. Et depuis, immédiatement, la photo devient une passion française. C'est-à-dire que Arago, ministre, monte à la tribune de l'Assemblée pour dire « Nous faisons don de cette invention à l'univers tout entier ». Et puis partout, à Paris, on commence à avoir des photographes qui font des photos de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que près de 200 ans plus tard, la photographie est une passion authentiquement française. Les Français font beaucoup de photos, probablement plus que n'importe qui. Et on a voulu, Match, c'est un peu l'album des Français depuis 1949, et on a voulu faire une grande initiative, demander à tous les Français, dans le pays qui a inventé la photo, ce jour-là, de faire une photo et de photographier leur France, qu'ils voient un moment, une émotion. Je fais une photo, je vous l'envoie. Vous l'envoyez sur ce site qui a été spécialement conçu pour l'opération, qui s'appelle www.mafrance.photo, et on va voir apparaître en temps réel, tout au long du week-end du 14 juillet, cette France, à travers le regard des pros, parce qu'on a mis les pros à contribution, et le regard des amateurs. C'est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, la technologie efface la différence qu'il y avait entre l'homme de la rue et Capa. Aujourd'hui, on peut faire des photos, les gens font des photos, c'est d'une certaine manière un langage universel, un langage de partage, et en même temps, rien ne remplace le regard du photojournaliste, parce que lui est là et il apporte un regard particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la multiplication des smartphones, de ces appareils téléphoniques qui en même temps permettent de faire des photos, on voit se multiplier les reporters amateurs d'une certaine manière. Quasiment tout le monde est devenu correspondant, sinon de guerre, mais en tout cas d'actualité aujourd'hui. Bien sûr, il y a une sorte de démarche existentielle. On prend plus de notes sur un moment qu'on a vécu, on le photographie, on le garde pour soi et on le partage avec son entourage. Mais je pense que tout de même, c'est important de rappeler que le photojournalisme est d'une formidable modernité. C'est-à-dire que la vidéo n'a pas tué le photojournalisme, ce qui n'était pas évident. Et je crois que c'est Kundera qui disait qu'en fait, on ne se souvient pas d'un film, on se souvient d'une image. Mais bien sûr, parce que l'image, elle est forte, elle est graphique, elle reste imprimée d'une certaine manière. Ça, c'est vrai. Alors justement, parmi les images dont on se souvient, nous avons fait ensemble une petite sélection. Je précise tout de suite, parce que je ne voudrais pas que certains de nos auditeurs nous disent « Mais vous avez oublié telle et telle et telle et telle photo ». C'est totalement subjectif et arbitraire. Nous avons pris un certain nombre de grands clichés qui, en quelque sorte, permettent de résumer le siècle écoulé. Alors, on est reparti pendant la guerre de 14-18 pour le premier. On a cette photo magnifique d'un Clémenceau dans les tranchées qui partage quasiment le quotidien des poilus. Ça, c'est assez étonnant. Tout à fait. On voit qu'en 1918, l'armée française est en train de plier. Il y a eu des mutineries sur le front. Il faut remettre de l'ordre de tout ça et on demande aux tigres de venir redonner le moral aux troupes. Et les photojournalistes sont là. Et c'est vraiment la naissance d'une profession. Il y avait des images de guerre pendant la guerre de sécession, pendant la Crimée. Mais là, il y a vraiment du mouvement. Ils vont montrer des choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont envoyés par des grands journaux. L'Excelsior, l'Illustration. Il y a d'ailleurs à Paris, l'Excelsior a une espèce d'écran géant qui montre jour après jour la progression des opérations sur le terrain avec des photos. Et en 1916, l'armée a créé le Centre cinématographique des armées pour être sûr qu'on documente cette guerre et aussi pour la contrôler, pour contrôler les images. Parce qu'il va y avoir énormément de photos sur le terrain, mais beaucoup de photos sont contrôlées. Pour ceux de nos auditeurs qui nous suivent par internet ou ceux qui ont un ordinateur à portée de la main, je signale que les photos que nous commentons ensemble sont disponibles évidemment sur le site internet d'Europe 1. C'est plus facile et en même temps, je suis de ceux qui pensent que la radio est un média d'image et qu'on peut rien qu'avec les mots faire allusion. D'abord, il y a des photos tout simplement très célèbres. Je pense à celle de Charlie Chaplin avec Jackie Coogan, hein, la photo du Kid. On est en 1921 sur le tournage de ce film mythique et c'est presque toute une époque et presque une civilisation qui transparaît à travers ce cliché. Charlie Chaplin a inventé tellement de choses, il a tellement innové que là, il décide sur un plateau de cinéma de laisser entrer un photographe. Pourquoi le cinéma laisse entrer la photographie dans son intimité? Et en fait, la photo de Charlie Chaplin avec le Kid, on va la retrouver sur des murs, dans des maisons, un peu partout, photo iconique, juste d'un tournage, mais Charlie Chaplin a compris la force de l'image. Alors, il y a plusieurs types de photos d'actu, bien entendu. Il y a celles qui immortalisent un moment absolument inoubliable. Par exemple, la descente des Champs-Élysées par le général de Gaulle en août 1944. Bon, ça, c'est... Ah, le grand bonhomme, il a une tête, il dépasse tout le monde d'une tête ou deux. Et ce jour-là, les Parisiens mettent vraiment un visage enfin sur cette voix qu'ils ont entendue à la radio. Alors, il faut dire que la photo est pas terrible. Elle est moins bien que le film où on voit vraiment la vague descendre des Champs-Élysées. Mais elle existe. Alors, c'est là qu'on voit la différence entre une image d'actualité et puis une grande photo inoubliable. Mais celle-là existe et elle témoigne. Alors, il y en a une prise quelques semaines plus tard, enfin quelques mois plus tard. On est à Yalta en février 1945, qui est les deux à la fois. C'est-à-dire que la photo est à la fois, évidemment, le témoignage posé cette fois et voulu et mis en scène d'un événement historique majeur. Et en même temps, c'est une photo qui, dans sa force, dans son cadrage, etc., est extraordinaire aussi. C'est presque un tableau, en fait. Hein. On pense aux Doylen hollandaises du XVIIe siècle, en fait. Alors, elle est tellement forte qu'on ne connaît pas le nom du photographe. Oui, ça c'est étrange. C'est assez particulier. Est-ce que c'est peut-être pas un photographe militaire soviétique, probablement, d'ailleurs, hein, la légende est simple, le partage du monde. On l'a tous vu dans nos manuels d'histoire quand on a grandi. On ne sait pas qui l'a prise. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement, encore une fois, la différence entre les personnages qui ont été filmés. La scène de la photo est assez anodine en film, mais c'est une image d'histoire extraordinaire. Les trois personnages sont beaucoup moins empruntés qu'ils le sont sur le film. Alors vous dites que là on est en présence d'un photographe anonyme, il y a bien sûr des photographes stars. Et le modèle préféré des photographes stars, ce sont les stars elles-mêmes, les stars de cinéma bien entendu. Alors on en a pris une, il y en aurait eu bien d'autres évidemment, mais c'est Marilyn Monroe qui vient le plus naturellement à l'esprit. Et là nous avons deux clichés, une photographie de Marilyn en pull noir par Alfred Eisenstedt, et puis une autre, celle de Bert Stern. C'est sa dernière séance de pause, en fait, où elle est entièrement nue cette fois. Oui, quelques jours avant sa mort. Et là, ce qui est assez intéressant à travers la photographie, on voit un style arriver et on va voir à quel point les photoreporters, les grands photographes vont faire naître des icônes, vont faire naître des mythes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que jusqu'à présent, les stars hollywoodiennes étaient photographiées en studio. On voyait, elles forçaient le trait, on voyait James Mansfield faire avancer sa poitrine devant elle. Avec Marilyn, on va rentrer dans l'intimité. Et on va comprendre pourquoi. C'est pour cette raison que les femmes vont s'identifier à elle. Hein. Ce col roulé dissimule ses formes, ce col roulé noir dissimule ses formes. Sur d'autres photos, on la voit en train de lire un livre, on rentre dans sa vie quotidienne. Et là, Marilyn a compris qu'il fallait sortir du studio, qu'il n'y a pas le seulement studio pour créer, pour bâtir un lien durable avec le public. Il faut un peu il faut ouvrir sa vie, son cœur, avec les risques que cela comporte. Mais Marilyn est un modèle extraordinaire et de voir comment... Près de 60 ans plus tard, ces photos sont d'une grande modernité. On en a fait une couverture, cette photo du pull noir il y a deux ans, oui. Parce qu'elle est une image iconique. Elle aurait pu être prise d'ailleurs il y a deux ans. Hein, ça n'aurait... Et sur la deuxième photo, celle où Marilyn pose nue, on voit cette chute de rein merveilleuse, ce regard troublant, et on ne peut même pas croire qu'elle va mourir quelques heures plus tard. Hein, et là, dans les deux photos, on a vraiment cette notion de qu'est-ce qui pose, à quel moment intervient le moment vrai, et à quel moment devient la mise en scène. Et toute l'histoire du photojournalisme au XXe siècle, c'est ça. À quel moment, où est la vérité? Alors, dans un instant, on arrive à un cliché qui vous est cher, je le sais. C'est la seule photo d'intimité du général de Gaulle. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, grâce à votre invité, Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match, on découvre les secrets des grandes photos de notre siècle. Alors là, nous avons une photo absolument incroyable. On est à la Boisserie, hein, Colombelles et Deux Églises, chez le général et Madame de Gaulle, à une époque où c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Hein, c'est-à-dire que le général de Gaulle n'est plus au pouvoir, il n'est pas encore revenu. On est en 53 et c'est une photo qui nous montre l'intimité du grand homme, en quelque sorte, Olivier Royan. La pipolisation de la politique, ouais, voilà, dirait-on aujourd'hui, par un terme qui est courant. Jean Mangeau, le photographe de match, il a toujours eu une relation particulière avec le général. Alors en 53, la rédaction a fait le forcing pour rentrer chez le général, avoir accès à lui. Et de Gaulle a fini par dire oui. La séance était échelonnée sur 3 jours. Et pour la première fois, donc, on entre à la Boisserie. Dans l'intimité de Gaulle, alors le connétable sur la photo, le connétable est en train de lire un livre. Tandis qu'Yvonne, sa femme, fait de la couture. Et c'est assez intéressant parce que c'est un photo mélange très rassurant, très rassurant. c'est un mélange à la fois de mise en scène et en même temps on perçoit une certaine rigidité chez De Gaulle, oui, oui. Qui a pas l'air très à l'aise. Alors il va se passer au cours de la séance une anecdote qui est entrée dans la légende de match. Au moment de partir pour son reportage, la rédaction en chef a mis un peu de pressing sur le photographe et a demandé à Jean Mangeau de faire une photo difficile. Ils lui ont dit si tu pouvais faire une photo de ses mains. Nous voudrions analyser les lignes de la main du général. Alors vous parlez d'un défi et le reportage se passe à un moment. Je me vois mal demander ça au général. Alors, de Gaulle, c'est compliqué. Jean Mangeau est dans la Boisserie, fait les premières photos du général et il a dans la tête la consigne que lui a donnée sa rédaction. Alors il a une idée. Il demande au général qui vient de passer devant une vitrine d'ouvrir cette vitrine où sont alignées ses différentes médailles de guerre et pour qu'il montre ses mains, Mangeau lui demande s'il peut ouvrir la vitrine et montrer ses décorations. Alors De Gaulle en prend une, celle des compagnons de la Libération, et dit au photographe « Celle-là, c'est ma préférée ». Malheureusement, le général pose la médaille au milieu de sa main, paume de sa main. Alors impossible pour le photographe de voir les lignes. Alors il a une idée géniale, Jean Mangeau, il va dire au général bon, « Excusez-moi général, j'ai un reflet dans mon viseur, est-ce qu'on peut déplacer la médaille un peu sur le doigt ?» Donc il déplace la médaille vers le bout des doigts et la photo est faite. Alors de retour au journal, Jean Mangeau est victorieux, il dit « Je l'ai fait » et personne à match n'osera analyser les lignes de la main du général de Gaulle. Mais enfin, cette photo est formidable parce que c'est la seule fois où de Gaulle a laissé rentrer quelqu'un chez lui. Alors pour ceux qui suivent l'émission en même temps avec les images sur Internet, ça va peut-être être encore plus spectaculaire parce que sans transition, si je puis dire, il y a la photo des Kennedy sur le pont de leur yacht. Et alors là, ça c'est assez... le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a de nouveau un couple le chef d'État et son épouse, mais c'est pas du tout la même chose qu'à Colombelles. Hein. 1962, on est au cœur de ces 1000 jours qui vont changer le visage de l'Amérique, ce royaume imaginaire de Camelot, hein, pour reprendre l'image du roi Arthur, c'est-à-dire ce royaume de rêve de la présidence Kennedy. Alors les Kennedy vivent avec les photographes. C'est intéressant parce que partout ils vont, depuis le début de la présidence et pendant la campagne, ils ont toujours des photographes qui les suivent et à qui ils donnent vraiment accès. Alors là, il est sur cette photo c'est extraordinaire, tout y est. Hein. On n'est pas sur un yacht, on est sur un bateau de guerre qui a été baptisé nom de Joe Kennedy, le frère de John, mort dans les airs en 1944. Alors, où est la vérité, où est le mythe? Il y a tout. C'est-à-dire, il y a le glamour de Jackie dans ce magnifique tailleur. Il y a une certaine décontraction du président. Mais quand je dis où est la vérité, où est le mythe, c'est qu'il n'a pas l'air d'avoir mal au dos. On sent le vent, on voit le soleil. Enfin, il a l'air, lui, d'être en pleine forme. Alors qu'il a probablement très mal au dos. Et on voit donc cette image. Et c'est vraiment ce souvenir lumineux, ces images, ces photographes. Ces photographes vont contribuer énormément de 60 à 63 à bâtir le mythe à travers ces photos extrêmement lumineuses où évidemment les Kennedy jouent parfois la mise en scène et font semblant d'ignorer le photographe. Il est difficile de voir chez eux la différence entre la ville et la scène d'une certaine manière. Alors un an plus tôt, il y a eu la construction du mur de Berlin. On a oublié le traumatisme considérable que ça a pu être dans le monde entier à l'époque. Et alors là, il y a une photo de match encore. De Patrice Abance. Alors Patrice Abance, lui, vous le disiez tout à l'heure, il fait partie de ces photographes qui foncent très vite. Hein. À cette époque, il y a vraiment une prime au premier qui arrive, qui est monté dans l'avion. Et Patrice Abance est arrivé à Berlin au moment de la construction du mur et il arrive à saisir l'un des derniers coups de truelle de ce mur d'aggloméré, d'agglo, qui est en train d'être construit par un soldat est-allemand, dont on voit juste, d'un soldat russe, oui, hein, dont on voit juste le bout de la casquette. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait des dizaines de photographes sur place à Berlin. Hein. Il n'était pas le seul. On voit la truelle qui dépasse du mur, avec, un mur très grossier en parpaing. Hein. Voilà, avec le ciment qui est encore presque liquide. Oui. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait des dizaines de photographes sur place, mais 50 ans plus tard, on se souvient de cette photo. Alors, on a vu tout à l'heure Marilyn nue, ça c'est pour faire venir les auditeurs. Maintenant, voilà Brigitte Bardot, dans un nu moins artistique, j'ai envie de dire, que celui de tout à l'heure, objectivement. Alors là, c'est Brigitte... Presque impudique, celui-ci. Presque impudique, mais c'est une Brigitte Bardot au summum de sa beauté. Je pense que cette femme qui pose pour J.K. Dussart, qui est donc le photographe avec lequel elle a le plus travaillé, c'est le photographe qui a le mieux photographié Bardot, elle est consciente à cet instant, je pense, qu'elle est la plus belle femme du monde. Hein, et c'est intéressant parce qu'il y a une vraie complicité entre eux et on ne rappellera jamais assez que ce qui se passe entre un photographe et son sujet... que tout est une affaire de confiance. Comment le photographe arrive à se faire oublier dans toutes les situations historiques comme les situations de photographie de célébrité. Et on voit dans le regard de Brigitte Bardot qu'elle a une confiance absolue dans le photographe. Elle se livre, elle se met à nu, c'est Saint-Tropez, c'est la mer, c'est la lumière. Sans Il y a une vacances. Sorte de cocktail, lumineux magique qui marque pas mal cette ambiance des photos des années 60 en fait. Alors après l'extrême douceur, l'extrême dureté, on arrive peut-être à la plus belle de toutes les photos que nous commentons depuis un moment. C'est cette extraordinaire photographie des GIs blessés et morts, même pour certains. Évacuation à Hue, on est en 1968, en plein dans la guerre du Vietnam. La photo est plastiquement sublime, il faut dire. Alors là, c'est vraiment un tableau, hein. Oui. Franck. C'est vraiment 1968, l'offensive du Tet. Il faut dire que c'est vraiment le radeau de la Méduse de l'armée américaine au Vietnam, une photo qui raconte tout. Le Vietnam, c'est la guerre des photojournalistes, c'est-à-dire c'est une guerre où ils peuvent aller partout. Tout photographier, risquer leur vie chaque jour et souvent mourir. Et ce qui est assez intéressant sur cette célèbre photo de 68, c'est que les trois plus grands photographes de guerre sont côte à côte au même endroit. C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure de Capa, il y a aussi, par exemple, sur cette photo, les héritiers de Capa, que sont Larry Burrows, Don McCullin, John Olson. Il y a un char américain transportant des blessés vient d'apparaître au loin. Et il n'y en a qu'un qui... Il n'y a qu'une photo qui rentrera dans la postérité, c'est celle de John Olson, parce que lui est le seul à avoir fait la photo avec un téléobjectif au 200 mm. Alors que les deux grands talents qui étaient à côté de lui ne font pas la photo. Il y a quelque chose de la leçon d'anatomie, ou comme vous le disiez tout à l'heure, du radeau de la Méduse. Hein, c'est ça, on est dans quelque chose de très pictural. Tout à fait à l'opposé, une autre photo de la guerre du Vietnam, pour le moins aussi connue, c'est celle de Nick Hoot en 1972. Et là, celle-là, elle est restée très célèbre par la violence et par la dureté de ce qu'elle manifeste. Voilà, là, sans se tromper, Franck, on peut dire que parmi les 20, s'il fallait photographier... La plus célèbre, s'il fallait sélectionner 20 photos au XXe siècle, celle-là figurait parmi les 20 photos. On se souvient toutes de cette petite fille brûlée au napalm. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans le Vietnam... C'est la photo va permettre de changer le regard de l'opinion sur une guerre. Jusqu'à présent, les photographes étaient témoignaient, mais là, ils vont être vraiment acteurs militants. Et c'est parce que leurs photos sont vues par des millions de gens à travers le monde que la position du gouvernement américain va sûrement changer. Et là, ce qui était assez étonnant, c'est que là encore, il y a un film. Il y a un film, mais ce qui reste gravé dans la mémoire, c'est la photo. Alors, on a retrouvé cette jeune fille 30 ans plus tard. On l'a retrouvée aux États-Unis, on l'a photographiée avec sa fille. Elle est vivante, je crois qu'elle est toujours vivante et elle a échappé à la tragédie du Vietnam. Alors, je vous propose de passer, j'aurais beaucoup aimé qu'on ait le temps de les commenter, mais de passer sur quelques clichés suivants. On a parlé tout à l'heure de John Fitzgerald Kennedy, voilà son frère assassiné le 5 juin 1968, Bob Kennedy. On va passer, si vous permettez, sur cette photo. J'avais également sélectionné des photos de la guerre du Biafra, car ça a été l'irruption, grâce aux télé et aux photos reportages, l'irruption de la tragédie africaine dans les foyers occidentaux. Donc je passe là aussi et j'aimerais qu'on s'attarde sur une autre petite fille qui a laissé des souvenirs à tout le monde. Ça, c'était en 1985 et c'est au moment de l'éruption du volcan Nevado del Ruiz. La petite fille s'appelait Omaria Sanchez, elle avait 12 ans et le monde entier a assisté à son agonie pendant des dizaines d'heures. Voilà, et moi ça m'avait absolument bouleversé puisque je faisais mes débuts dans le photojournalisme et à Paris Match. Et c'est vraiment l'émotion absolue vécue en direct à la télévision. On a aujourd'hui l'habitude maintenant de vivre les événements en direct. On l'a vu pendant le printemps arabe, on le voit chaque jour que quelque chose arrive. Mais là, il y avait vraiment 30 journalistes et caméramans autour de cette petite fille en train d'agoniser. Elle était donc il s'agissait d'un grand éboulement de boue. La boue avait emporté tout le village et elle avait les jambes prises par une poutrelle et elle ne pouvait pas en sortir. Et là encore, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu énormément de photographes, mais une seule image passera à la postérité. Et c'est celle terrible que nous avions sous les yeux. Nous sommes à Europe 1, dans le studio Coluche. Alors je vous propose de terminer par la toute dernière photographie de Coluche. Et ça, c'est un signe des temps d'une certaine manière, Olivier Royan. C'est une photo d'amateur. Bah oui, c'est le Coluche, le dernier signe de la main. Dans une heure, il sera mort. Et c'est assez intéressant, un passant a reconnu Coluche sur la croisette. Il le salue, il fait la photo. Coluche à son tour le salut de la main et c'est assez intéressant de voir comment tout au long du XXe siècle et aujourd'hui les amateurs ont aussi été des photojournalistes, comment ils ont témoigné à travers leurs images. C'est comme le Concorde qu'on a vu en feu, il y a longtemps que les amateurs sont témoins de l'image et aujourd'hui plus que toujours. Alors, ils sont... Si vous vous sentez l'âme d'un témoin de l'image, n'hésitez pas à faire votre photo du 14 juillet, là c'est lundi prochain, et à l'envoyer sur le site www.mafrance.com en un seul mot, point photo, www.mafrance.photo. C'est le grand événement organisé par Paris Match. Merci beaucoup Olivier Royan. Merci. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand vous donne les origines du bikini. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question d'Audrey via la page Facebook de l'émission. Bonjour Franck, je suis bientôt en vacances et je me demandais quelles étaient les origines du bikini. Bah, c'est pas très vieux, figurez-vous, le bikini moderne. En tout cas, hein, je vais pas parler de toutes les pièces de vêtements doubles comme ça qui ont pu exister dans l'histoire. Mais en tout cas, le bikini tel que nous le connaissons, il a été créé en 1946 par un ingénieur français qui s'appelait Louis Réard, figurez-vous. On avait déjà, au milieu des années 30, connu ce qu'on appelait le plus petit maillot de bain du monde, qui avait été baptisé Atome, mais il y avait encore la culotte était en forme de short et elle cachait encore le nombril. Vous voyez, donc on était loin de la toute petite pièce d'étoffe que nous connaissons avec le bikini. Ce qu'il faut savoir et se rappeler, bien entendu, c'est que ce nom de bikini, qui pour nous évoque évidemment le soleil, la plage et la sensualité, doit son nom à un atoll du Pacifique qui avait été choisi quelques jours avant la création du fameux maillot de bain par les Américains pour y réaliser un essai nucléaire. D'où les slogans publicitaire de l'époque qui proclamait le bikini « première bombe anatomique », bien entendu. Louis Réard, à l'époque, va déposer son modèle le 20 juin 1946 et quelques jours plus tard, il se tourne vers une danseuse nue du Casino de Paris, Micheline Bernardini, pour présenter son modèle à la piscine Molitor. Ça a été un succès inouï et l'on peut dire que depuis, le mythe ne s'est jamais éteint. La voix de Dalida pour accueillir Elena Morna. Bonjour Elena. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors gardez près de vous votre slip de bain, Franck, puisque je vous emmène en camping, un sujet que vous allez adorer, hein, ce sujet du jour. C'est le camping, le premier mode d'hébergement touristique marchand en France, avec un choix qui va du camping sauvage au mobilhome dans un 5 étoiles. Comment expliquer ce succès? J'attends vos questions et vos témoignages de campeurs au 39-21 ou sur Europa.fr. Faites pas cette tête, vous allez adorer, Franck. Non, mais oui, après tout, comme on dit, il ne faut pas mourir idiot. Hein. Il y a des expériences qu'il faut faire. J'ai envie de vous appeler Patrick, comme Franck Dubos, des flots bleus, ça vous irait bien. Voilà. Merci Elena. Nous nous retrouvons lundi, Anissa. À lundi, Franck Ferrand. Ah non, demain, pardon. Demain, on est jeudi. Mais oui. Mais demain, en plus, on va parler de Louis de Funès. Ne manquons pas cette émission. À demain, Franck Ferrand, dès 14h sur Europe. Bon après-midi à tous.